Le tsar et le faucon. Fable. Un tsar, à la chasse, lança son faucon favori à la poursuite d'un lièvre et le suivit. Quand le faucon eut saisi le lièvre, le tsar le reprit, puis il chercha de l'eau pour se désaltérer. Il trouva une source où l'eau ne tombait que goutte à goutte. Alors le tsar posa sa coupe sous le mince filet d'eau, et lorsque la coupe fut pleine, il la porta à ses lèvres. Tout à coup, le faucon s'agita sur la main du tsar et d'un coup d'aile renversa l'eau. Le tsar remplit de nouveau la coupe. Il attendit longtemps et dès que celle-ci fut pleine, il la porta pour la seconde fois à ses lèvres. Et le faucon s'agita et renversa encore la coupe. Pour la troisième fois, le tsar remplit sa coupe et essaya de boire. Mais de nouveau, le faucon la renversa de son aile. Du coup, le tsar se fâcha. Il frappa le faucon de toutes ses forces contre une pierre et le tua. À ce moment, arrivèrent les serviteurs du tsar qui coururent au bord de la source pour remplir la coupe. Mais ils ne rapportèrent pas d'eau et revinrent la coupe vide. Il ne faut pas boire cette eau, dit l'un d'eux, car un serpent a jeté tout son venin dans la source et l'a empoisonné. Le faucon a bien fait de renverser la coupe, et si tu avais bu, tu serais mort. Le tsar s'écria. J'ai bien mal récompensé le faucon, car il m'a sauvé la vie et je l'ai tué.